Fantonce de dos. K-R-O-N-K-E-R. T'es yo. Ici tous chroniqueur, Weed Brothers, slammer, tagger, graveur, narrateur, pas d'amateur, sans saveur. L'équipe est allée, n'a pas peur. Je te donne envie d'utiliser ton transfader, de sortir ton ghetto blaster, de monter les basses, car le flow est à l'heure. Passons, unis par la même passion. On apporte la lumière, toujours de la même façon. Applaudissements à chacune de nos prestations. La même pression d'une arrestation. Je suis de l'époque platini, pas mini, taquini. Oui, oui, oui, ni Willy et grand, pas mini. Bien plus de style que ce gland Camini. Tu veux savoir ce qu'on mange à midi? Une barrette de shit et une galette de black sheep. Rien que des bons et des vrais MC. Créatif, inventif, genre Léonard de Vinci. Non, non, ce n'est pas fini. La prochaine fois, je te raconterai Martine sous Martini.